La cérémonie de constitution du comité en l'honneur des Kwanza-Mbectusan a eu lieu le 5 août à Abuja, Nigeria. Y ont pris part les personnalités de divers partis politiques, formations et établissements, l'ambassadeur coréen dans ce pays et ses collaborateurs. Le comité a décidé d'organiser activement des activités pour présenter les exploits mortels des Kwanza-Mbectusan.